pas le son, mais l'air climatisé. Alors, on continue. On va continuer avec... ça va venir, là. Pas de souffler. Ben, avec l'intelligence dans la tête de pas être capable de parler. La perte de temps. Non, la perte d'intelligence. Mais c'est ça. L'intelligence dans la tête, pas être capable de parler. Parce que c'est l'intelligence dans la tête ou un potentiel d'en avoir? Dans quel cas? Dans le sien. Où ça s'applique? Parce que, bon, tout à l'heure je disais, on dit que l'homme nouveau, c'est en train de s'appliquer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est ce que tu veux dire, ce qui m'achale un peu à travers les personnes qui se conscientisent, qui sont ici, puis ceux qui ne sont pas ici, celles qui ne sont pas ici, c'est... Dans, au niveau historique planétaire, la majorité des êtres à caractéristiques nouvelles sont en grande majorité morts sur la Terre, seuls, abandonnés et pauvres. Je parle des génies, là. Et là, actuellement, aujourd'hui, l'être humain se conscientise, l'être humain a accès à de l'intelligence, sauf que l'être humain a accès à l'intelligence et parce que l'humain a trop d'ego, parce que l'humain a trop d'espoir négatif, parce que l'humain n'est pas capable d'aligner une croyance astrale vers ce que son intelligence lui amène. Sa croyance astrale est toujours alignée vers ce que la mémoire collective lui amène. Ben, les individus ont d'intelligence, les individus ne sont pas capables de s'en servir. Convenablement. C'est normal, c'est normal. Mais quand même. En attendant, je ne le dis pas que je le dis quand même, mais c'est bon pour l'astral, un petit coup de poing là-dedans, mais... Il faut absolument que les individus qui ont de l'intelligence finissent pas leur vie oubliés tout seuls dans un coin misérable, pauvre. Mais c'est normal parce que c'est comme ça. Mais dans 2, 3, 20 ans, 30 ans après leur mort, on va se rendre compte que c'était du monde qui a bien de l'eux. Ah, oh, ça. Puis que s'ils seraient vivants aujourd'hui, ben on leur donnerait une pension. C'est de valeur qu'on les a pas reconnus. Ben c'est de valeur. C'est de valeur pour nous autres. C'est de valeur pour l'humanité. Historiquement parlant, la majorité, puis c'est même devenu un dicton, tu sais, il était reconnu après sa mort, c'est normal. Tu sais, assez qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On a quelqu'un qui est un génie, on s'arrange pour tout faire pour ne pas le reconnaître de son vivant. Ben, ça René Lévesque est mort. Pouf, pouf. On prend la rue Dorchester, puis c'est le boulevard René Lévesque. Pourquoi on ne l'aurait pas baptisé pendant qu'il était vivant? Mais ça, ça change. Il est vivant, il est vivant, on peut pas... Mais ça change, je remarque que de plus en plus, il y a des soirées là, en politique ou des artistes qui sont faites à l'honneur de personnes qui sont encore vivantes. Ouais, ça se faisait pas avant, ça. Une chance. Ben, je pense, mais eux autres, mais... Ben, si on va en bénéficier, ça change. Ouais, ça change. Mais ce que je veux que les gens comprennent bien, c'est qu'il faut... Il faut appliquer, il faut travailler pour appliquer. Une personne dernièrement, puis ça m'a toujours limité, moi, le moindrement. Moi aussi, je suis mal pris, de moins en moins, mais je suis mal pris avec ceci, cela. On découvre, par exemple, pour se sortir de tous nos problèmes, pour attirer l'argent. On s'intéresse, c'est bon, parfait. Pour attirer de l'argent, il faut s'asseoir à genoux, croiser les mains, puis prier. Puis dire, mon Dieu, donnez-moi de l'argent. OK? Mettons qu'il faut ça, là. Mm-hmm. La majorité, mettons que ça marche, la majorité des personnes ici ne pourront pas le faire tout de suite. Ils vont se mettre à genoux et ils vont se dire, oui, on c'est comme le spiritualisme, c'est comme, fait que là, ils vont essayer debout. Ça marche pas. Et ils vont croiser les mains, ils vont voir, mais là, ça ressort, là, puis là, mon Dieu, c'est une niaise. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils doivent faire ressemble à ce que les autres font. Alors, pour être sûr, c'est de la fausse humilité, pour être sûr que tu ne seras pas comme ce que tu as rejeté, tu vas rejeter tout ce qui peut ressembler à ça, même si c'est bien différent. C'est exactement comme si on en arriverait à une chance qu'on a commencé à se donner des injections avant qu'on invente les drogues à injecter. Alors, on injectait la pénicilline, on injectait des vaccins. Hein? Bon. Si on aurait inventé collectivement les drogues à injecter avant les vaccins, bien, les gens ne voudraient pas de vaccins. Tu vas-tu aller à l'hôpital, là, comme les dopés, une aiguille, comme les dopés. Le monde n'en voudrait pas. Mais les drogués, ça ne dérange pas de faire comme s'ils allaient se faire soigner. C'est ça qui est le problème. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont extrêmement salutaires, qui ressemblent aux mécaniques astrales du poisson. mais qui n'en sont pas. Puis on ne les fait pas. Il fallait baisser la température. Non, monter la température. C'est ça? Monter la température. C'est possible. Fermer la porte du frigidaire. Arracher les fils. Donc, c'est extrêmement important. L'être humain a de l'intelligence, puis parce que l'être humain se ne se sert pas de son intelligence, ça crée des problèmes. On prend un exemple. Il y a quelqu'un qui me demandait dernièrement, quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes. Vous avez des problèmes de santé ici, c'est certains parmi vous, hein? Sinon, ben patience, patience. Ah, mais... C'est ça, tu dis patience. Ben, c'est patience. Minute, m'a fini. Patience. Putain, c'est pas non, tu sais. J'aime le monde fume, problème, putain. Que ce soit normal. Non, mais c'est porter le poids des karmiques des autres. Tu tousses, le monde fume, tu tousses. Ils sont malades, tu es en santé. Ouais, t'es mon gars. Les gens ont des problèmes de santé, les gens sont malades. Et lorsque l'intelligence traverse l'humain, veut pas, elle vient faire vibrer l'humain à un taux vibratoire qui est différent. Exactement comme si vous allez vous coucher en dessous d'une ligne à haute tension, vous restez là en dessous pendant 2-3 semaines, mais à un moment donné, ça a l'air des problèmes de santé. Pour éviter d'avoir des problèmes de santé, vous devez absolument mettre une combinaison particulière qui va vous préserver des champs électromagnétiques. Ou bien vous devez, par exemple, aller dans un endroit où il manque d'oxygène. Bon. Mais là, pour arriver à vivre convenablement, vous allez devoir faire de l'exercice pour augmenter la quantité de globules rouges. De façon à ce qu'à un moment donné, ça ne paraisse plus. Donc, vous n'aurez pas de problème. L'individu qui vit un contact supramental, son taux vibratoire change. Vu que le taux vibratoire change, le taux vibratoire du corps physique au complet, non. Le taux vibratoire de certaines parties du cerveau, oui. Mais ça, en changeant, ça ne peut plus communiquer ou reconnaître les informations d'une façon claire, les informations nécessaires ou bien dues à la santé du corps physique. Donc, de ce fait, à un moment donné, ton rythme respiratoire va être déphasé. Vous allez manger, vous allez commencer à sécréter ce qu'il faut pour digérer une demi-heure après. Ou une demi-heure avant. Une demi-heure avant, le stress, il le fait faire souvent. Mais, puis là, progressivement, les états de santé des individus qui se conscientisent ont tendance à se dégrader. Alors, de ce fait, puis je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte, il y a une autre antenne, là, ben, le monde qui le suit, ils sont malades. Ah oui. Alors, c'est sûr, bon... Ils ne comprennent pas, ils comprennent pas, il faut arrêter de suivre. Mais ils sont malades. Alors, il y a des médecins, des acupuncteurs, des guérisseurs, tu sais, du monde qui tourne dans l'entourage de tout le monde, puis ils parviennent à te restaurer ton corps. Parce qu'il y a des séminaristes, ceux qui ont fait mon séminaire, qui sont justement des personnages capables d'aider. Il y en a un, entre autres, que lui, je lui ai déjà dit souvent, il fallait qu'il se déménage à Montréal et qu'il se recycle uniquement des maladies de conscientiser. Premièrement, il y aurait une grande clientèle. Bon. Et puis, en plus, il y a un défaut, ce gars-là. Il charge pas cher. Pas ce qu'on dire. Que ce serait intéressant pour le client. Mais les gens sont malades. Bon, mais ils sont malades de quoi? Pourquoi? Ils sont malades simplement du fait que leur taux vibratoire augmente dans certaines régions du cerveau. Le taux augmentant dans certaines régions du cerveau, c'est exactement comme si on te droguait. Une fois drogué, ton cerveau, il ne peut pas régir ton corps aussi efficacement que quand il est totalement dans la forme vibratoire du corps physique. Donc, pour éliminer le problème, il faut que tu cesses de te conscientiser et de te redevenir malade normalement. Et que la santé normale, tu es malade à cause que tu manges comme une personne qui ne sait pas vivre, puis etc. Bon, une bonne ligne de côte, puis ça te replace. Ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, ou bien l'autre chose, c'est d'augmenter ton taux vibratoire pour le mettre équivalent à ton taux de conscience. Lequel des deux est mieux? Deuxième. Ben oui, parce que tu ne pourras pas jouer sur le taux de conscience, puis le baisser. En plus. Bon. Donc, tu augmentes ton taux vibratoire physique, et général, global, le taux vibratoire du corps physique, le taux vibratoire du corps vital, le taux vibratoire du corps astral, le taux vibratoire du corps mental, et là, tu ne seras plus malade. C'est uniquement ce qu'il faut qu'on fasse. Mais l'humain a de l'intelligence, l'humain, c'est l'humain, vous avez de l'information, vous avez de la documentation, vous avez de la connaissance, vous avez du savoir. Malgré tout, les gens continuent d'être pauvres, puis les gens continuent d'être malades. Il y a des individus, en tout cas, j'en parlerai une autre fois, mais n'empêche. En parlant, non? Non, pas de suite. Qu'est-ce qu'il faudrait? Tu sais, qu'est-ce que c'est? Ben, là, tu dis... Es-tu intelligent d'être malade? Non. Es-tu intelligent d'être malade alors qu'on a ce qu'il faut pour pas l'être? Est-ce que d'un point de vue, es-tu intelligent d'être malade, de rendre malade quelqu'un qui... C'est le... Mais c'est... Ça, moi, je dis non. C'est bien. Est-ce que c'est... Non, mais peut-être... Quand les gens vont ramener cassette, ils vont dire qu'il manque des morceaux dessus. Et me pose tes questions complètes. Ben, la question, c'est... Est-ce que c'est intelligent de rendre quelqu'un malade parce pour arriver à lui faire comprendre quelque chose, parce que c'est ça le chemin qu'il va y aller? Faites-en pas, il va s'arranger tout seul pour être malade en masse. Rends pas les autres malades. Tu vas les rendre malades de toute manière. Non. Mais il y a des mécaniques qui font ça. Oui, mais moi, ce que je dis simplement, c'est que... Comme tu le dis, tu es torieux, hein? T'es toujours juste à la limite. Lui, là, son intelligence pose une question, l'ego vient de la côté, là. Puis si je réponds oui, l'ego est tout content. Si je dis non, c'est l'intelligence qui vient rouspéter. Ça fait que oui. Mais je comprends pas. Pas grave. Pour se tenir en santé, il n'y a pas 50 affaires, il y en a une. Augmenter son taux vibratoire des corps inférieurs au taux vibratoire de sa conscience. Bon, ben, la seule façon de diminuer la conscience, c'est en l'altérant, par exemple, par la boisson. Ouais, prendre la boisson ou prendre la drogue. Bon. C'est ça. Vous pouvez évidemment de vous droguer, vous allez baisser votre taux vibratoire. Ça, c'est une façon. C'est une façon. Tu es malade avec des maladies normales. Mais sinon... Ils vont pouvoir te guérir. Mais sinon, la conscience... Sinon, ils vont pas te chercher. Sinon, il n'y a rien à faire. La conscience, tu l'as, puis tu vois les affaires comme tu les vois. Oui, et là, ce qui va arriver, c'est que parce que tu as de la conscience, ça crée de l'inhibition. Ça crée des blocages au niveau de l'expression des canaux d'énergie. Ça crée des blocages au niveau de la circulation énergétique. Et en plus, augmentant ton potentiel vibratoire neuronique, il ne peut pas... régir le système endocrinien de la même façon. Il y a une guerre endocrine, de toute façon, qui s'opère chez l'humain. L'ego qui s'exprime pour que tu sécrètes. Le système corporel qui, lui, brime des mécaniques de sécrétion de l'astral. De temps en temps, tu vas sécréter parce que c'est un bienfait physique. Il y aura le même arrêt à cause de ton taux vibratoire au niveau de certaines neurones de ton cerveau. Donc, ça devient négatif au niveau du corps physique. Et progressivement, les individus deviennent malades. C'est sûr, les maladies ressemblent aux maladies conventionnelles. Écoutez, vous avez un estomac comme tout le monde. L'estomac est abîmé. Il est abîmé comme les estomacs abîmés. Tu sais, vous ne commencerez pas à souffrir d'une sulfite majeure. Non, mais c'est un bon côté. Au moins, les médecins connaissent la maladie. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que les médecins ne pourront pas te guérir. Ouais, ça, c'est un... Les maladies deviennent souvent des maladies migratoires. Dans la majorité des cas, la maladie devient migratoire. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mal à un genou. Là, on commence à trouver. Ah, on vient de trouver. On commence à soigner ça. C'est presque guéri. Pouf, commence à avoir mal au foie. Là, on trouve. Mais... Pouf, commence à avoir mal au poumon. Là, on trouve. Pouf, commence à avoir mal au pied. Il y en a même qui vont, le médecin, ils ont mal à quelque part, puis le médecin, non, c'est bien beau. Écoute donc, j'ai quelque chose. Ça, c'est parce que le cerveau décode des maladies avant qu'elles soient déjà imprimées dans le corps physique. Bon, ça, c'est fréquent au niveau du conscientisé. La façon d'augmenter le potentiel vibratoire de son corps physique pour l'ajuster à sa conscientisation, elle est extrêmement simple. C'est les techniques PMC. Tu sais, moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à venir le PMC sur la planète, c'était uniquement dans le but de créer le système d'éducation qui servirait après la restauration de l'apocalypse. Un système biologique et mental d'éducation. C'est sûr qu'il n'y a pas tout là-dedans. Au départ, le PMC, quand on a commencé à le créer, il y avait des ordinateurs, il y avait des cours d'électronique. Là, on montrait aux gens un thyristor, un transistor, une diode. Tu sais, comment ça fait? Pourquoi? Parce que le cerveau est bâti de la même façon. Là, on montrait aux gens des programmes particuliers. Là, il y avait un programme, par exemple, la personne écrivait une bêtise à l'ordinateur, puis là, il y avait une face qui était triste, puis qui disait, ben, hey, t'es pas poli. Puis là, entre parenthèses, ça, c'est ce que l'ordinateur pensait, c'était, va donc faire un tour aux toilettes. Il y a des choses comme ça. Là, les gens peuvent se rendre compte que la machine est programmée. Si t'es gentil, elle répond gentil. Si t'es poli, tu sais, bon, elle fait même comme l'humain. L'humain, tu l'insultes, il répond tout croche, tu dis une qualité. Mais l'humain est programmé depuis sa naissance. Ben oui, ben depuis avant, mais en tout cas. Et là, ce qui arrive, c'est que le PMC, je l'ai amené uniquement dans le but de permettre, surtout, on disait à un moment donné, à l'époque, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte que le PMC, c'était la médecine de l'ère nouvelle, pour le conscientiser. Préventive. Elle est préventive totalement et elle est curative, sauf qu'évidemment, elle est curative, mais parce que l'individu n'est pas un technicien du PMC, c'est pas curatif rapidement. Parce qu'il y a une maudite nuance entre faire, par exemple, du menfi, bouger légèrement les muscles, histoire de faire la technique rapidement, tu sais, pour dire que je l'ai faite, puis de la faire avec ta tête et ta conscience dans le corps physique en train de bouger un muscle. Tu peux cicatriser une plaie instantanément. Sauf que l'individu doit pratiquer les choses pour en arriver pas pour pratiquer le mouvement. Parce que le PMC, c'est pas une chose que tu pratiques tous les jours. C'est une chose que tu apprends tous les jours. quand tu l'as appris, puis c'est rentré, puis c'est au niveau des mémoires d'intervention, tu le pratiques plus. Tu le pratiques quand tu vas le savoir. Comme l'étirement. On s'étire le matin en se levant. Tu pratiques pas ça tous les jours. 3 heures par jour. Mais tiens, 3 heures par jour pour que le matin, quand... Il y a un matin, tu te lèves, ça finit là. Et l'autre matin, tu te lèves, puis là, tu sens ta colonne, tu sens, t'as le message, il est clair. Là, tu t'étires, à un moment donné, puis là, tu bouges le bassin, puis tu t'innoves, là, tu sais, tu te promènes, t'étires, puis là, tu contrôles les muscles. Tu peux te faire des étirements musculaires dangereux. Alors, tu contrôles, tu connais ton corps. Puis là, là, tu relâches lentement pour que les disques intervertébraux, puis les vertèbres se placent, tu sais. Fait que t'es pas une personne qui commence, qui est rendue à 62 ans, puis elle s'étire, puis elle a un problème. Elle a 62 ans, puis elle s'étire, puis elle n'aura pas de problème, parce qu'elle replace les choses, elle se replace, ça va bien. Toutes les techniques PMC font partie de ce qui va permettre à l'humain de rester en santé. Au fur et à mesure du contact avec son intelligence. Fait que ça va augmenter le taux vibratoire. De tous les corps au complet, puis ça va l'ajuster à la conscience. Toutes les techniques, il n'y en a pas une seule qui sert à d'autres choses que ça. Maintenant, quand à l'époque, moi, je me disais, bon, c'est sûr que si une personne fait toutes les techniques PMC, la personne devrait normalement en arriver à la méditation supramentale, c'est-à-dire à avoir la capacité de projeter son ajusteur de pensée immédiatement à l'extérieur, le brancher au niveau du contact supramental, puis avoir une parole juste, supramentale, intelligente immédiatement. C'est vrai. Mais il faut que l'individu connaisse ces techniques de façon à ne pas passer 4 heures à pratiquer une affaire pour arriver à se monter en taux vibratoire. Bon, ça devient compliqué. On rentre dans un monastère. Là, on va dire à quelqu'un, écoute, on fait à la fin de semaine juste les techniques sans arrêt, puis au bout de la fin de semaine, peut-être que tu vas... C'est pas ça. Rescon, il sert à quoi? À contrôler au niveau de énergétique, puis à bloquer l'expression. Le rescon, certaines techniques. Bloquer l'expression réflexe de la mécanique astrale dans ton système endocrinien. Menfi, c'est uniquement pour monter ton trou vibratoire, quel que soit Menfi, parce que tu as la relaxation Menfi, mais tu as le conditionnement Menfique aussi. On regarde Ecofi, écologie physique, mais les techniques ajoupent un ajustement de la pensée. C'est juste au niveau de ton cerveau qu'on fait travailler. Toutes les techniques PMC servent uniquement à préserver l'état de santé des individus. Alors, j'aime autant vous avertir immédiatement, c'est pas une publicité, c'est un fait. Il y en a qui ont pratiqué, il y en a qui ont appris, c'est même pas nécessaire de se réinscrire nécessairement, mais une chose certaine, c'est que les techniques ont été remodelées. Les techniques de base sont les mêmes, mais elles servent à préserver la santé. Ils ne font pas avancer plus vite? Oui, en ce sens que quand tu es malade, tu es tout croche, c'est bien compliqué. Mais là, le problème, c'est que je rencontre de plus en plus d'individus qui se conscientisent, qui commencent à être malades, puis la maladie vient à leur secours. Parce que la maladie, c'est l'état biologique qui va bouboter les fesses à l'intelligence pour qu'ils se disent, ben là, écoute, là, j'ai plus le choix. On n'a jamais eu le choix. Bon, c'est pas quand on est toutes défaites qu'à un moment donné, on doit se dire, ben là, on va cesser de manger de la cochonnerie. C'est une technique PMC que de manger, mais il faut que tu connaisses ton corps magnifiquement. C'est une technique PMC que de manger ce que tu as besoin. Et pour manger ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que son corps soit vibratoire. Il faut être capable de te communiquer au-delà des mémoires d'intervention limitatrices de l'astral ce qu'il a besoin. J'ai besoin de faire. Exemple. Alors là, je regarde, j'ai besoin de faire. Puis là, subitement, pouf, il apparaît dans ma tête, j'ai le goût de manger ceci. J'ai besoin de potassium. Pouf, banane. C'est correct. Mais si j'ai jamais mangé de banane, mon corps ne saura pas que le potassium, il y en a dans les bananes. Alors, il va dire, potassium, pouf, morphine avec le gros sucrage blanc. Parce qu'il y en a dedans. Fait que là, j'ai besoin de manger ça. Là, tu as rien que le goût d'un gros beigne, machin chouette. Ben là, tu vas l'acheter et tu le manges. Il y a tout ce que tu n'as pas besoin qui te tue, plus le potassium pour t'aider. L'individu, à un moment donné, il faut qu'il goûte à un kiwi. Tu sais, une fois par 6 mois, il n'aime pas ça, qu'il goûte à un kiwi. Qu'il goûte à d'autres bebelles. Il faut qu'il puisse aller chercher dans l'éventail des structures alimentaires qui sont autour de lui, qu'il goûte. Tu vas faire du végétarien un bout de temps, tu vas au commensal, puis après 5 minutes, tu n'es pas écœuré de là, tu peux à découvrir des gens. C'est pas perdu connaissance. Ça, dans la ligne d'attente. Il faut que l'individu goûte à différentes choses. Pourquoi? Et là, ce qui va arriver, premièrement, j'ai déjà expliqué qu'au niveau des structures astrales, l'astral dirige beaucoup ce qu'on mange. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sucre, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Mais toutes les structures astrales sont alignées et branchées sur des vecteurs alimentaires. On nourrit une partie de l'ego en ramassant certaines choses. Mais on nourrit aussi une partie d'intelligence. À un moment donné, quand l'intelligence prend suffisamment le dessus, tu as subitement le goût de régir ton alimentation. Mais là, si tu prends la même maudite banane qu'hier, mais là, tu en as besoin... Puis tu l'épluches, tu sais, il faut vivre consciemment, c'est PMC, programme maître-contrôleur, être maître-contrôleur à bord. Tu ouvres ta banane, mais tu es conscient de tes gestes. Ça, c'est quoi? C'est de la démarche flottante. De l'épluchage flottant. Bon, OK. Là, on épluche, on comme ça. Puis là, t'as la banane. Tu dis pas merci Dieu banane de m'offrir le potassium, mais c'est pas ça, rien à voir. Là, tu commences à manger ta banane, puis si tu prends bien conscient, peut-être tu vas avoir le dégoût de manger de la banane à un moment donné, à manger sa banane de mieux le temps. Mais ce qu'il faut faire, il faut que la personne soit totalement présente et consciente dans ce qu'elle fait. Et là, la banane, l'événement banane nourrit ton corps mental, nourrit ton corps astral, mais pas ton ego. Donc, il te donne de l'affection. Il te donne de... quand je parle nourrit, il amène de l'énergie. L'événement amène de l'énergie. T'énergises ton corps physique en mangeant ta banane. En plus de donner le potassium. Mais là, tu te manges d'une façon mentale. Tu manges, pas d'une façon mentale, tu manges d'une façon intelligente. Oui, présente. Mais... Le mental, il va jouer le jeu, lui, là. Même pas, il est bien mental, lui, il est robotisé, là, tu sais, il s'en va, puis là, il mange ça, puis là, il est bien conscient de l'affaire. C'est de l'intellectualisme, comme on en voit souvent. C'est... Écouter la télévision mentalement, comment tu fais ça? T'affirmes. Bon. On va vous poser des questions d'autres. Ça va être plus intéressant. Parce que quand c'est mental, je sais ce que tu veux dire, tu es encore entre les deux, toi, là. Okay? Mentalement, l'individu qui fait ça mentalement n'est pas un individu vivant. Moi, je veux qu'on ait de l'intelligence. C'est un individu physique. Plate. Oui. Oui. Bien ça. L'individu qui mange sa banane, qui mange ses céréales, qui mange, qui l'a besoin. Mais moi, je dis ça dans le sens, en comparaison avec quand tu manges pour nourrir... Quand c'est l'ego qui mange, par mais là, exemple, tu manges intelligemment. Compensation, c'est n'importe ça. Quoi. Mais là, tu manges intelligemment. Okay. Donc, tu sais ce que tu dois manger. Parce que moi, ce que je voyais là-dedans, ce qui démarquait le plus, c'était le mouvement mental ou l'activité. C'était fait de façon mentale, manger. OK, mais ce qui. Ouais, c'est intéressant ce que tu amènes là. Un être humain qui fait partie de la race nouvelisable. L'être humain, lui, ce qu'il a, il a un mental. Et le mental est régi par l'intelligence. Okay. Les êtres humains qui sont à l'étape du mental, mais qui ne font pas partie de l'ère nouvelle, leur mental est régi par le mental ou par l'ego. Ouais. Si je mange une banane mentalement, mon intelligence régit mon mental, ce qui fait que tout ce qui fait partie du contrôle mental sera donné au mental, mais ça ne m'empêchera pas de rire, de sourire, d'être assis confortablement à ma façon. Alors que l'humain qui, lui, n'a pas le contact avec son intelligence, s'il est uniquement dans son mental, il va penser qu'il doit prendre une position particulière, qu'il doit éviter, il va avoir la bête. Ça devient une forme de zèle, là, ou... Ou de zèle. C'est du zazel quand t'es assis. Puis c'est du zèle quand t'es debout. C'est du zazen quand t'es assis, ça veut dire méditation assise. Mais le mental, sans intelligence, c'est ce qu'il va faire. L'individu devient un phénomène robotique, astralisé, qui se plaît de jouer la perfection de l'être robot. Mm-hmm. Et non pas nouveau. Alors que celui qui a de l'intelligence va faire les choses mentalement, pas parce qu'il est mental. Exemple, tu perds quelqu'un de ta famille que tu aimes bien, puis tu ne pleures pas. Tu comprends les mécaniques, tu es correct. Celui qui est mental, il pleure pas. Parce qu'un homme, un être humain mental, pleure pas. Mais c'est pas ça. Et à un moment donné, tu vas avoir des larmes qui vont couler. Tu vas laisser couler. Tu comprends l'intelligence. L'autre, lui, il n'y en aura pas. Puis si ça sort, il va se trouver épais. Il est barré au niveau du mental. Donc, mange pas ta banane mentalement. En résumé. L'humain doit faire attention. Vous devez... Plus l'intelligence va descendre, plus il y aura des individus qui seront assujettis à des maladies. Premièrement, moins on a d'énergie, moins on est capable d'exprimer notre intelligence. Il y en a un moment donné dans le tract qui me demandait comment ça se fait que j'ai de l'intelligence, puis quand je viens pour parler, c'est tout croche, ça s'enfarge, je ne dis pas ce que je veux dire, etc. Mais cette personne-là, je suis convaincu que son corps est malade. Vu qu'elle est basse en vibration, tout ce qui fait partie du centre laryngé, puis de la phonation, etc., plus ce qui va faire partie de l'interprétation neuronique, par exemple neuro-laryngé, de ce qu'elle a, de ce qu'elle vibre en termes de structure intelligente, c'est toujours altéré. Mais il y a le médiocrisme qui embarque. Oui, mais on revient toujours à la même chose. Le médiocrisme, là, au niveau de l'être conscient, faut faire attention à ce que je vais rajouter là. Mais la médiocrité, c'est aussi une maladie pathologique, une maladie physique. Physique ou mentale? Ben, c'est physique. Mais pas physique. Corporel. Il y a quatre corps. Le mental, l'astral, le vital, le physique. Maladie corporelle. T'es vite. C'est une maladie corporelle. L'individu qui est totalement énergisé, qui est dans son énergie, puis qui est centré sur lui, puis la conscience, vous en avez, c'est plus ça qu'il vous faut. Je disais à un moment donné, je le chialais ça. À personne, tu sais, mais l'intelligence cesse de m'instruire, je le sais. Donne-moi l'énergie pour que je le fasse. Tu sais, ça sert à rien que tu me dises, mange bien, je le sais, ça. Mm-hmm. Bon, mais prends-donc ma main, maladon, ce qu'il faut, vous me suivez, moi, là. je Vous devriez faire ceci, puis vous le savez déjà, on le sait. Là, il faut exprimer la volonté. Mais par contre, pour exprimer la volonté, puis c'est ce qui est le problème au niveau des contextes planétaires, c'est qu'il faut absolument que tu ramasses dans la merde planétaire l'énergie nécessaire pour arriver à t'en sortir. Mais là, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Là, il faut que la maladie vienne te pousser ton ego. La maladie, là, elle fait peur à l'ego. Et quand l'ego a peur, ça retourne vers Dieu. Mais si vous êtes là avec votre conscience, quand l'ego va avoir peur de vos maladies, il y a des fortes chances qu'il se retourne vers votre mental. Le vrai Dieu. Sauf que, est-ce que c'est nécessaire que tout le monde soit malade? Ça dépend des indices, des niveaux de tolérance. Parce qu'il y en a un, il s'adapte. Il est malade partout, mais il est un adapté. T'es pas tout là adapté. Bon, lui, il est correct. Puis à un moment donné, il va falloir que sa vie soit entre s'accorderait entre la mort puis la survie pour qu'il commence à se dynamiser. C'est niaiseux. C'est la même affaire, tu redescends dans la jeunesse à un moment donné, ben, tu vois les jeunes qui mangent tout croche, puis ils s'en balancent tout. Ils ont la santé, ils ont plein de choses, hein? Et on le sait, ça, hein? Puis des fois, c'est frustrant de regarder les jeunes manger tout croche. Imaginez, vous autres, vous avez même pas la santé. On continue à manger aussi croche qu'eux autres. C'est bien pire. Mais on pense toujours qu'il est trop tard, nous autres. On a autant qu'à être abîmé. Hein? On a plus un abîmage prêt. Lui, il l'est pas abîmé. Ben, crime, il y a bien plus raison de manger croche. Planétairement, on s'entend. Pas cosmiquement. Que celui qui te croche. Bon, un exemple, je me donne des coups de poing. C'est niaiseux, hein? T'as une plaie ouverte, toi, puis tu t'en donnes aussi. Lequel est le plus niaiseux? Toi. Ben, c'est la même affaire pour les adultes. On a l'intelligence, il faut absolument être capable d'aller chercher dans le plan matériel l'énergie pour être capable de transformer l'intelligence qui passe en savoir, le transformer en volonté. Les techniques PMC, ils sont là uniquement pour préserver l'intégrité physique, donc guérir les mal conscients. Puis prévenir, évidemment, les problèmes. Mais l'avantage qu'il va y avoir, plus ton corps physique est énergisé, nécessairement, plus tu vas avoir la capacité d'exprimer. Donc, quand je parle des corps physiques, je parle de tous les corps au complet. L'individu qui a de l'intelligence, qui n'arrive pas à le prononcer, à le dire convenablement, mais il y a des problèmes au niveau de certains de ses corps. Tu es en train de comprendre, pouf, ça décroche, ça ne veut plus. Le corps se protège. Les corps se protègent. Si tu ferais des techniques d'énergisation, tu ne décrocherais pas là, tu décrocherais plus haut. Et plus tu vas en faire, plus tu vas aller. L'alimentation, c'est une superbe technique PMC. C'est pas moi qui l'ai mis au point. Ça change absolument rien. On l'apprend et on l'intègre. Ceux qui mangent bien, là, qui ont toujours mangé écologiquement au niveau de la santé. Quand je parle de manger bien, moi, c'est pas prenant le livre de XYZ. Hein? Je parle de manger bien. Tu sais ce que j'entends, manger bien. Non, mais parce que tu disais la technique de manger... Je m'en fais plus, là. Une technique de manger bien, c'est une technique de manger bien, qui est différente de tout le monde. Moi, je connais des individus là, qui mangent extrêmement bien, ajustés à leur corps physique. Il y a un paquet de techniques que ces personnes-là ne font pas. Mais ça, on évolue vibratoirement aussi avancé qu'un paquet d'autres, ça fait 20 ans qu'ils travaillent un paquet de techniques particulières, mais qui vont avoir de l'alimentation qui ne sera pas correcte. Ces individus-là sont corrects, mais ils sont aussi plafonnés que ceux qui mangent mal, puis qui font d'autres techniques. Fait que j'aime tout celui qui fait rien pour se tenir en santé énergétique, puis qui mange mal, donc qui mange mal, qui fait pas de sport, qui fait pas de technique mentale pour raisonner, comprendre, apprendre. Tu sais, je disais à un moment donné aux individus, lisez des livres d'astrophysique. Ça ne rien comprendre, mais ça va développer la conscience. Moi, quelqu'un aujourd'hui me dit, ah, c'est bon du beurre. C'est vrai que c'est bon du beurre. Et puis, il comparait, pour faire le parallèle aujourd'hui, qu'il bon, faut y aller raisonnablement avec le beurre, et puis dans le temps, ses grands-parents, ils en mettaient 23 pouces d'épaisse une tranche de pain. Ben, dans ce temps-là, ils disent, ben, comme n'importe quelle comparaison, ils sont encore vivants, puis ils sont en santé, relative. Fait que, finalement, c'est comme si, leur conclusion, c'est qu'on se casse la tête pour rien, à manger moins de beurre, puis finalement, on souffre pour rien. Puis le gars, t'as tellement raison. Maintenant, rencontre ses parents qui ont mangé du beurre, puis qui ont les artères extrêmement pleines, là. Rencontre ses parents. Ça coule bien, ça coule dans le beurre. C'est ça que je pensais, justement. Les farces que je veux pas dire, dis-les pas, OK? Bon. C'est ça que je voyais, moi aussi. Ça coule dans le beurre, là-dedans. Mais il rencontre ses parents, puis commence à jaser de neuf. Parce qu'ils sont pas malades. Pas juste au niveau physique. Non, je comprends. Ben, ça. Ben, c'est la cochonnerie qu'ils ont mangée, ce qu'ils sont en train de faire. C'est taux vibratoire. Ça a tout diminué. Tu bloques carrément l'évolution. Mais imaginez maintenant si votre évolution, si votre conscientisation domine sur votre corps physique, bien, en mangeant en croche, vous n'aurez pas la santé. Parce que les autres, là, en mangeant en croche, ils sont malades dans la conscience. En mangeant en croche, en faisant un paquet de choses croches sur tous les niveaux, c'est pas juste au niveau de l'alimentation, ils sont malades dans la conscience. Et quand je dis malades dans la conscience, je veux dire par là qu'ils ne peuvent pas accepter des choses neuves. Okay? C'est artérosclérosé au niveau des neurones. Bon, ils font de l'athéroaxone. Okay? Non, de l'axono. En tout cas, on t'ouvre maintenant. On s'entend. On s'entend par... Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'individu, lui, qui est structuré par l'intelligence pour vivre une conscientisation, ben, c'est le corps qui va payer le prix. Puis là, ce qui va arriver, puis quand je parle de corps, t'as payé ça, là? Toi. OK. OK, c'est clair? Bon. Tout aussi, hein? Bon. Ce qui arrive simplement, c'est que ces personnes-là mangent du beurre. On pose des veines, évidemment. On s'entend, là, ça peut pas être les personnes de livre de beurre. En tout cas, ils mettent beaucoup de beurre sur le tranche de pain, ces choses-là. Ils sont pas trop malades. C'est correct. Toi, tu vas mettre 10 fois moins de beurre qu'eux autres, puis subitement, tu vas te ramasser avec les maudits problèmes. 2 fois plus malade. Là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oui, mais regarde, c'est niaiseux. Eux autres, ils n'ont mis plein, ils sont pas malades. Moi, je fais attention, je suis malade. Mm-hmm. Parce que tu as de la conscience, ce qui va agresser tes corps inférieurs est beaucoup plus subtil que ce qui va agresser les leurs. C'est parce que, c'est ça. Donc, tu vas être beaucoup plus rapidement malade en faisant un peu comme eux autres, qu'eux autres. Et demande-leur de commencer à vouloir comprendre un paquet de choses qui font partie de leur cycle. Ils vont commencer à être malades physiquement. Tu croches travers. Ils vont commencer à se conscientiser en même temps. Parce que c'est mal commode, tu sais. L'être plus intelligent devient feluette. Parce qu'il s'entretient pas. Ah, mais il faut toujours bien que tu manges quelque chose. Oui. J'avoue. Vous savez, moi, la journée que j'ai décidé que je mangeais uniquement parfait, je suis maigri. J'ai plus une seule place pour aller manger, il a fallu que je me raisonne. Je parle à l'ego, puis je parle à l'intelligence, puis je parle à tout le monde. Je dis, écoutez, de temps en temps, là, faut que je mange. Mais la question n'est pas là, la question est la façon de manger, le rythme que tu vas manger. En plus, il faut que tu manges ce que tu as besoin physiquement. Mais pour ça, il faut que ton corps physique soit suffisamment énergisé pour être capable de te donner le bon message. Bon, est-ce que ça quand l'ego a besoin de bébelle, ben il dit ce qu'il veut manger. Tu le manges physiquement, par effet secondaire, ça alimente ton corps physique. Et puis ça nourrit l'ego, c'est l'ego que je choisis. On devrait toujours, hein, c'est bon, c'est coupé. On devrait toujours attendre d'avoir une sensation gastrique de faim. Ça vient tout le temps trop tard, tu sais. À peu près toujours là, tu saurais quoi manger. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pas à bonne heure, t'es pas à bonne place et... Mange moins. Ça pourrait arriver à synchroniser ça, puis ça tombe sur la bonne heure, sur l'heure de tout le monde. Je le sais, ça, que c'est nouille comme ça. N'empêche, ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que les genres d'intelligence, hein, on a des examens d'intelligence en masse, il faut absolument préserver l'intégrité du corps physique, on en a besoin encore pour quelques années. Et les façons de le préserver, c'est d'augmenter son potentiel vibratoire, autant dans l'alimentation que dans les techniques cérébrales, que dans les techniques de respiration, que dans les techniques de mode de mouvement énergétique. Et puis le PMC résume, réunit tout ce qu'on a besoin au niveau de la santé. Bon, est-ce que tout sera appliqué, tout ça, là? Est-ce que ça fait, bon, ça fait avoir... Moi, je parle pas, je te coupe encore comme ça, là. Je parle pas du PMC 6, 5, 4, puis 3, etc., là. Juste le PMC 1 est suffisant. OK? Là, je veux que les gens comprennent bien que l'idée, c'est pas de devoir faire tout le PMC. Tout le PMC, il y a des techniques, à un moment donné, ailleurs, qui vont aider en maudit. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que les techniques de base, là, on a suivi le cours, là, par exemple, là, 5 ans, là, 10 ans, là, 1 an, et puis on pratique pas. C'est pas s'inscrire au PMC qui va préserver ta santé. Okay? C'est de faire les techniques. C'est de marcher d'une façon consciente et habiter le corps. C'est de te coucher puis de replacer les muscles, faire circuler l'énergie. Mais il faut le pratiquer en étant présent dedans, le corps. Pas uniquement en disant, bon, je vais faire une technique, là, puis ça a des petits effets secondaires bénéfiques, mais c'est pas ça. L'individu peut faire le 2, le 3, le 4, etc. La personne va aller chercher d'autres choses. Mais c'est pas ça qui est l'idée. Je dis, moi, que les techniques Menfi de base, Rescon de base, les techniques Jupen de base, les techniques Ecofi de base, les techniques Envy de base, sont la santé des corps physiques des êtres qui se conscientisent. Ils vont tous être malades. Puis même ceux qui mangent bien, bien, bien, bien, bien, vont commencer à être malades aussi. Parce que le taux vibratoire, ça les aide, mais il leur manque d'autres phénomènes énergétiques. Que ce soit juste, par exemple, il faut aller dans la forêt, de temps en temps. C'est essentiel. Ramasser des énergies, là. T'as pas besoin de t'inscrire un cours ou d'y aller mentalement, à toutes les XYZ, mais il faut que la personne le fasse. Prendre du soleil à l'ombre, extrêmement important tout le temps. Mais ça fait partie des techniques de vie. On n'a jamais le temps, on peut, non, on a le temps. Hé, hey, Christy. Un jour, là, je vous montrerai comment on fait la vaisselle, Menfi. Comment on prend sa douche, Menfi, tu sais. Tout est organisable pour que la personne comprenne le processus. Il faut qu'elle vive dans son corps, faut qu'elle soit là. Mais c'est extrêmement important. Vois-tu, il y a des rencontres extraterrestres qui sont très près. Y a-t-il beaucoup parmi vous qui ont commencé à avoir des rêves préparatoires des rencontres extraterrestres? Il y en a certains. Et certaines. De plus en plus, ces choses-là vont se faire. Il y a on est près de plein de choses, mais il faut absolument que les individus s'arrangent pour être en état de courir quand le feu va prendre. Une question avant de revenir où c'est rendu. Est-ce que quelqu'un, un individu qui... Quelqu'un qui se conscientise de façon intelligente, là, j'entends par là, être intelligent, bon. Non, mais... faire ce que tu viens de dire, là, les techniques et tout ça, manger comme il faut, et est-ce que ça prolonge l'espérance de vie, ou si seulement ça rend plus intelligent, c'est tout? Qu'est-ce que ça peut... À quoi ça peut servir de prolonger l'espérance de vie? C'est prolonger la vie, je comprends, mais prolonger l'espérance de vie! Franchement! Je voyais plus loin, j'étais rendu à faire une moyenne. La vie. Le corps physique, plutôt. Oui? Oui, quoi? Bien. Que ça prolonge la vie. Que tu survives plus longtemps. Ok, ça fait mourir moins vite. Moins vite, mais en même temps. Il va mourir à l'instant de demain, il va mourir en 10 ans. Il va mourir moins vite. Non, c'est évident. En plus, ça rajeunit le corps. Mais pas pour préserver ta Christie d'enveloppe. Uniquement pour te donner le temps de créer des canaux séraphiques. Non, mais il faut que l'ego travaille pour... Oui, mais l'ego, là, il s'en va vers l'apocalypse. Tu sais qu'elle lui dit. Embarque avec moi, ben là, ça va vers l'apocalypse. C'est facile à voir. Bon, regarde la guerre du feu. Tu regardes ça souvent, là. C'est plus dans l'arbre de manger les feuilles, là. C'est toi, ça, là. Celui qui reçoit roche à terre. C'est celui qui reçoit roche à terre, là, sans la tête, là, c'est toi, ça. Et tu ris, en plus. Moi aussi, t'es fait. Il faut se brancher en haut. Le corps physique, là, qu'on a actuellement, premièrement, c'est des corps, c'est même pas nos corps. Enfin, moi, je parle pour moi, mais pour plusieurs ici, puis vous allez voir que plus ça va aller, vous allez vous rendre compte que c'est même pas votre corps. Fait que ça, ils se battent pour préserver tes saisies. Mais non, mais c'est une pas... C'est... Ok, j'ai une question. Entretiens-le parce que c'est un véhicule intéressant. Ça oui. Préserver la différence de vie. Il veut pas vivre plus longtemps. Il veut espérer vivre plus longtemps. Mais c'est typique, ça, de l'humanité. Hein? Devinez ce qu'ils ont découvert dernièrement pendant qu'il reprend ses esprits. Ils ont découvert apparemment l'ancêtre de l'homme, le chaînon manquant. Cet ancêtre-là, c'est lui qui aurait engendré l'homme, le gorille, le chimpanzé. Vous savez comment c'est le fun d'ésotériste, hein? Ça fait longtemps que qu'on sait que les singes proviennent de la même souche, sauf que les singes sont devenus les hommes sans parole. Alors que jusqu'à dernièrement, les singes puis l'homme s'est séparé. Puis plus ça va, plus ils pensent que, puis là maintenant, ben là, ils sont sûrs qu'effectivement, là, ils sauraient où ce qu'il a vécu, puis tout ça complet, puis c'est lui qui a engendré. C'est blé, c'est blé. Je suis pas en train de se découvrir, là, ce que l'humanité le chante depuis quelques milliers d'années. Et moi, pourquoi je le dis simplement, c'est pour que les égaux puissent comprendre encore une fois qu'il y a tellement de choses bizarres et farfelues qui sont dites. Puis que subitement, maudit que c'est ça qu'on découvre maintenant. Mais tout ce qui n'a pas été découvert encore, là, pensez qu'il y a une grande partie de tout. C'est coloré. Mais maudit que c'est là-dedans. Moi, je dis souvent que l'humain mute et qu'ils veulent donc pas. Hein, et qu'ils veulent donc pas. Mais maintenant, ils sont rendus qu'il y a même une psychogénétique qui est en train d'être développée en Europe. L'étude de la psychologie en fonction des facteurs génétiques. Comment? Ça se rend compte que c'est probablement uniquement de là que ça part. Bon. En plus, ils ont découvert au niveau de certains jumeaux, un paquet de bris, ils ont refait des expériences sur deux jumeaux là, qui ont vécu séparément à un moment donné parce que les parents sont morts, par exemple, puis les deux familles sont ramassées. Puis une fois adultes, ils remettent ensemble. Ils sont pareils un peu des jumeaux identiques. Ils sont pareils un peu physiquement, des petites différences. Mais maudit qu'ils sont pareils. Il y en a un qui est avocat puis qui est riche, puis l'autre, il est sous le bien-être social puis il est pauvre. Maudit qu'ils sont pareils. Parce que l'avocat aime lire. Il y a plein de livres chez lui. Lui, il est toujours à la bibliothèque. Il aime lire. Il n'y a pas de livres chez lui, il est pauvre. Parce que le milieu a altéré ce que ça a donné. Mais du point de vue de ce qui se passe au niveau de la psychologie, les bases sont identiques. C'est un génétique. Moi, ce que je veux qu'on comprenne bien, on parle des mutations, bien là, ils sont en train de remettre en question des théories du passé. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui a dit que la girafe, elle avait un petit coup de rien, puis elle essayait de manger, puis à force de s'étirer, pour pogner les branches plus hautes, bien le coup, lentement, a commencé à grandir, là, puis elle a eu un grand coup. Darwin, lui, il dit qu'il y a des girafes avec des petits coups, puis il y en a avec des grands coups. Et avec des petits coups, bien, ils sont morts, ils sautent de nourriture. Comme si c'était avec les grands coups qui sont restés, bien, c'est leur génétique qui était transmise. Bon, l'évolution adaptative darwinienne, ben non, de notre bonhomme, Lamarck, je crois. Puis là, on est en train de découvrir aujourd'hui que peut-être que les deux ont raison. Ça fait longtemps que je le dis, moi, qu'on a des mutations acquises qui peuvent être cellularisées et transmises génétiquement. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que il y a bien des choses que vous savez qui vont découvrir encore dans quelques années. Je veux que l'ego finisse par comprendre. On n'est pas dans l'illusion, puis on n'est pas dans le rêve. Puis la science est de plus en plus en train de découvrir les phénomènes extraordinaires de la science nouvelle. Puis continue encore à cracher sur l'ère nouvelle, puis spiritualiste, surtout toujours dans le nouveau émotif. Ton corps, c'est pas le tien. Ben, ils vont découvrir ça à un moment donné. Ils vont se rendre compte qu'il y a une entité particulière qui vit là-dedans, qui anime ce corps physique-là au 20e siècle, pas chez tout le monde. Il y a ces corps-là. Et puis, à un moment donné, ils vont continuer à découvrir un paquet de choses. Ils sont capables d'enregistrer une conversation qui s'est tue dans une pièce jusqu'à une semaine après. On sait que la matière, ça enregistre. C'est la cacha. Ben, c'est ça. Là, maintenant, ils sont en train de... Ben, c'est ça. Tous les corps sont possédés par des âmes. Puis ceux qui sont possédés, par exemple, parce qu'on dit les démons, ces affaires-là, c'est de la possession de leur part de vouloir expulser ça, parce qu'ils disaient c'était à moi avant ce corps-là. C'est officiel. Mais c'est intéressant, c'est la philosophie, ça. Je trouve ça drôle. Ben oui, je sais. Lui, il aime ça comme ça. Je suis possédé par le diable. Ouais, mais du point de vue du diable, là, je suis possédé par l'intelligence, moi, là. C'est une façon de faire une philosophie de lui, là. Mais c'est vrai. Parce que c'est officiel. C'est intéressant de savoir qui t'es. On réincarne du passé, malgré tout. En tout cas, on a réincarné. Vous en réincarnez. En tout cas, j'en réincarne. Ouais. Et puis... Ah oui, il faut un gars qui veut sortir sur l'épée du grenier. Oui, évidemment, il était frustré, étant maudit. Là. Il voulait sortir sur l'épée du grenier, mais il tapait sur la tête de quelqu'un. Et puis, bon, mais ça, ces réincarnations-là, c'est des possessions. Bon, tout ça, c'est des possessions. Maintenant, après ça, dans le futur, là, c'est ce qui se passe, c'est qu'on va... Je t'arrête deux secondes. Un outil réincarnationnel, c'est une structure mémorielle qui vient t'énergiser, t'informer. Une possession, c'est quand l'outil prend le contrôle de tes structures de conscience. OK? Fait que c'est pas grave de réincarner du passé et de le digérer, t'es pas possédé. Ben, c'est des possessions légères. Ben, non, c'est pas des possessions du tout. Il possède pas... Non, OK, il habite. Oui. OK, okay, mais tu n'es pas possédé, c'est des outils que tu t'en sers. Tu les possèdes. Mais quand ce qui vient se réincarner ou l'expérience événementielle extérieure devient trop puissante, ça commence à prendre le contrôle de la descente de ta conscience, là, tu es possédé. L'enfant, il est lui. À l'adolescence, il se fait carrément posséder par les mémoires réincarnationnelles du monde des adultes, et il est possédé. Puis normalement, les adultes restent possédés. Il y a des jeunes, évidemment, qui sont possédés aussi. Possédé, c'est quand c'est pas toi. Moi, je peux manger mal, puis quelqu'un me dirait, « Hey, penses-tu que c'est bien ça? » Je vais dire non. Et tu fais de ton coup, c'est pas de ma faute. Mais je suis clair là-dedans, mais je reste moi. Quelqu'un qui est possédé va dire, « Oh, c'est bien ça, de temps en temps, il faut qu'on fasse la traite. » Oui, mais on peut... Un possédé mental, ben l'être mentalisé. Je prends mon exemple. Moi, là, par exemple, si on recule là 10 ans, ceux qui m'ont connu là 10 ans, ne me reconnaissent pas aujourd'hui. Bon, mais dans l'éventualité, c'est... Mais c'est sûr qu'ils ne te reconnaissent pas aujourd'hui. Mais finalement, si on regarde ça, on regarde pas les étapes transitoires, mais on regarde ça 10 ans en arrière, 10 ans jusqu'à aujourd'hui, ben j'ai... c'est quoi qui s'est passé? C'est une possession ou... Non. C'est un changement graduel? C'est un exorcisme qui s'est passé dans ton corps. Hey! Dans le cas de la majorité des individus ici qui se conscientisent, c'est un exorcisme qui se passe dans leur corps. Ils se font exorciser. Ce qui n'est pas eux autres est rejeté. Je demande aux individus, il y en a qui fument encore. Bon, est-ce que c'est brillant de fumer? Ils vont dire non, pas eux autres qui fument. En poignée. La journée qui ne fument plus, là, ils n'ont pas été possédés. Ils ont exorcisé ce qu'ils fumaient. Bon, mais là, c'est encore la même chose qui suit. Il y a t'as toujours été un bon gars. Oui. Mais t'as déjà agi comme... J'ai pas toujours démontré. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Alors, maintenant, t'es pas possédé par le bon gars. T'as exorcisé les bras. Mais on peut. Mais c'est tous des points de vue, là. Non. Tu peux le point de visée. Oui, mais ce ne sont pas des points de vue en mentalisant, parce que là, ce qu'il faut que tu fasses pas, et ce que plusieurs font souvent, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de partir du mental, descendre dans l'astral, monter au plan supramental, puis voir dans le vital ce que ça pourrait donner. Ouais. Le mental, on a raison, mais qu'est-ce que ça aurait l'air au niveau de l'astral? On descend, là, puis on voit, mais regarde ceci. Ça crée des paradoxes, ça crée de la subtilité au niveau de la conscience, ça donne l'impression à l'ego qui devient intelligent. C'est capable de voir plusieurs points de vue en même temps. Puis il s'amuse comme ça. Là. Mais ça s'amène nulle part. Toi, tu es toi. OK? Il y a des bébites qui habitent en même temps chez toi. C'est pas un point de vue. Il n'y a même pas une seule des cochonneries qui te possède qui trouve, qui regrette ta présence. Mais toi, tu regrettes en maudit leur présence. Quand tu manges croche, jamais ça dit chez toi, hey, si je pourrais rejeter l'entité qui me force à bien manger. Jamais. Jamais. Ouais. C'est toi, ça, qui veux bien manger. Bon, ben, c'est ça, j'en venais. Mais toi, tu vas dire que je pourrais me débarrasser de ce qui est, tu sais. C'est par exemple, il y a des choses que je sais dans bon, on peut dire, c'est le savoir supramental ou dans le futur, ou si j'utopise, mettons, quelqu'un me dit quelque chose, ben oui. Mettons, quelqu'un m'arriverait de l'an 3000, me dirait quelque chose, ben ça a bien du... Quelqu'un? Quelque chose. Donc, quelqu'un, c'est dans le passé, c'est pour ça. C'est que, c'est évident, ça va être ça, ma réflexion, ben oui, c'est pas normal, c'est évident, c'est ça. Fait que là, ce que je me dis, c'est que, c'est probablement... C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas éclos. C'est que moi, ma conscience, elle n'est pas encore, je ne sais pas le mot, la naissance, je ne sais pas comment le dire. Elle est là, pas encore tout à fait dans la situation, mais quand même elle est là. C'est un réveil d'abord. En attendant, c'était... Mais toi, tu es plus réveillé que tu penses, c'est pourquoi, vu que tu es plus réveillé que tu penses, donc tu penses que tu es moins réveillé que tu l'es. T'as toujours l'impression que t'es pas réveillé beaucoup vu l'ampleur de ce que ça va être quand tu vas être réveillé. Ouais. Mais vu que tu sais qu'est-ce que ça va être quand tu vas être réveillé, c'est parce que t'es déjà assez réveillé pour le voir, hein? T'es beaucoup plus réveillé que tu peux penser. Somnambule un fausse peu. Humilité, médiocratie, différentes possessions font que tu es ce que tu es. Ouais. Les extraterrestres... pas les extraterrestres. Oui, les extraterrestres. Parce que les gens utilisent juste pour s'en rendre compte. Je me suis surpris. Les extraterrestres, tu parlais des rêves tout à l'heure. Bon, mais c'est quoi ces rêves-là? Ah, les rêves où les gens rêvent de rencontrer les extraterrestres. Ben, y en a qui rêvent des choses similaires. Non, il y en a qui rêvent des choses similaires, là. Le rapport entre la banane et l'extraterrestre, puis rêves. Bon, il y a plusieurs personnes qui présentement ou qui prochainement vont rêver qu'ils font des rencontres extraterrestres. Et puis, c'est quoi, ça? Est-ce ça, que c'est des... C'est parce que ce que je peux voir là-dedans, bon, de préparation, il y a rencontre réelle pendant... Bon, okay. Et puis aussi, l'autre chose, c'est... Non, mais je ne veux pas en parler. Quoi? De quoi tu veux pas parler? De ce que j'ai pas parlé, écoute bien, dis bon. Non, mais... ne parlons pas, parlons des rêves, mais tenons-nous-en aux rêves. Donc, les individus qui rêvent à des rencontres extraterrestres. OK. Sans pas en parler. On t'écoute. Bon. Ben, c'est préparation. je l'ai déjà dit. Parce que présentement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de descentes. Bon, on parlait de ça. Qu'est-ce que je veux parler? Ah, t'as pas changé d'idée? Non, ça va pas. Il y a présentement quelques milliers d'êtres humains qui sont en contact régulier avec des systèmes extraterrestres. Il y a trois sources extraterrestres neutres qui présentement cohabitent avec l'humain. La majorité de ces sources extraterrestres, il y en a deux qui sont du côté européen, soviétique et européen, disons côté est-ouest. Et l'autre est surtout centré au niveau du Mexique. Il y a des bases extraterrestres. Ces extraterrestres-là ont des contacts avec des savants, entre autres. Certains politiciens et quelques rares autres personnes qui sont intéressantes. Les contacts ne se font à peu près jamais par personne directe. Les contacts se font presque uniquement par lettres envoyées par les extraterrestres à ces personnages-là. Maintenant, il y a trois peuples extraterrestres, et ces trois peuples extraterrestres-là ne se connaissent pas parce qu'ils ne se sont pas rencontrés. Ils savent, grâce à l'homme, qu'il existe d'autres peuples extraterrestres qui sont ici sur le plan planétaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on cesse de faire de la mythologie avec les extraterrestres. Autrement dit, il faut cesser de se dire, ben voyons donc, s'il y a un peuple extraterrestre ici, il devrait connaître toutes les autres. Non. Parce que il y a, par exemple, une race extraterrestre qui est ici pour étude. Et elle vit sur la planète des problèmes similaires un peu aux nôtres, ils viennent étudier des solutions. Ils n'en ont pas pour leur argent. Ils peuvent voir les problèmes. Et ce peuple-là, ils sont à peu près une quinzaine d'extraterrestres. Sur notre planète, à travers le paquet d'humains, ils ne connaissent pas tous les vaisseaux tout au complet. Ça ne fonctionne pas comme l'humain pourrait mythologiser. C'est toujours des dieux, finalement, donc ils devraient tout savoir, les extraterrestres. Ces trois peuples-là sont extrêmement pacifiques. Ils ne créent pas d'ingérence. Ils ont eu quelques fils à retordre un petit peu avec certains humains de temps en temps, des humains avec lesquels ils avaient eu des contacts, mais ça n'a toujours été pas pire. La dernière problématique a fait en sorte qu'un des peuples a dû cesser ses communications pendant près de 15 ans. C'est recommencé. Il y a les intraterrestres qui, eux, par contre, sont un peu partout. Il y en a sur le Saint-Hilaire, il y en a un peu sur le Mont-Tremblant, il y en a partout au Québec, partout dans le monde. Et il y a présentement des phénomènes extraterrestres qui, depuis très très très longtemps, il y a une guerre dans l'espace, dont l'enjeu est la Terre. Et le vainqueur gagne la Terre, vient sur la Terre, va dépeupler la Terre, rendre esclaves les habitants de la Terre. Et ces peuples-là sont des peuples qui, originalement, ont été les pères, les mères, les engendreurs de nos intraterrestres. La planète mère des intraterrestres n'existe plus, ce qui crée un problème parce que les intraterrestres, eux, ont comme philosophie... On va dire philosophie tout court. L'humain l'a spiritualisé en se mêlant à leurs engrammes astro. L'intraterrestre attend toujours à être sauvé, à ce qu'on vienne le chercher, au retour de. Puis nous, on a coloré ça avec être sauvé, être se faire au retour du Christ ou encore être récupéré par Dieu. Les intraterrestres, s'ils ne savent pas encore, certaines personnes politiquement bien placées au niveau intraterrestre le savent, c'est qu'ils ne seront pas sauvés parce que leur planète mère est détruite. Par contre, il existe des vaisseaux de gardiennage, puis il existe encore des individus qui font partie de l'extraterrestrialité de la Terre et qui sont des descendants des engendreurs de nos intraterrestres. Et eux se font la guerre pour ramasser la planète Terre. Ils se font la guerre contre qui? Contre un autre peuple extrêmement maléfique pour le plan planétaire qui ne sera pas bon pour nous autres non plus. Par contre, on est sur la Terre, on est l'une des planètes les mieux armées. Vous savez, un laser, c'est performant, un laser, hein? Tu tires, pouf, puis tu peux détruire quelqu'un, pouf, un laser. Ah oui, lancer une balle, ça le détruit aussi vite, mais c'est pas un problème. Le laser, c'est simplement pratique, et ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est compliqué. La personne, elle va dire, ben oui, avec mon laser, je peux couper tout le monde d'un coup. Ah, c'est vrai, avec une bonne mitraillette, c'est la même chose aussi. Bon. Les bombes qu'on a, les charges creuses, on est équipé. Alors, il faut absolument désarmer la planète Terre avant d'en prendre possession de toute façon. Les intraterrestres s'en occupent un peu pour arriver à prendre la surface, puis c'est surtout des bombes nucléaires, ils ont peur. D'ailleurs, tout le monde en a pas, pas inclus. Il existe, dans l'espace, présentement, il y a une convergence vers la planète Terre de mécanique extraterrestre. L'homme devra rencontrer, à partir de 92, 93, il y aura de plus en plus de contacts du troisième type, donc du contact direct avec les mécaniques extraterrestres. Parce que c'est de plus en plus évident dans, disons, dans l'événementiel potentiel de la race humaine qui aura des rencontres extraterrestres, l'humain dans son sommeil joue dans l'astral, parce qu'il en parle aux extraterrestres dans notre atmosphère. Il y a des contacts de plus en plus évidents. Donc, dans l'astral, c'est extrêmement bien su, et de plus en plus les êtres humains, plusieurs personnes vont être colorés par ce qui est dans l'astral au niveau extraterrestre, et là vont vivre des rêves. Ces rêves-là ne sont pas des rêves prémonitoires dans le sens qu'il va arriver ce que tu rêves, mais ce sont des rêves préparatoires dans le sens que va arriver quelque chose que tu rêves. Préparatoires dans ce sens que, veut pas, dans pas grand temps, il y a de plus en plus des êtres humains qui vont rencontrer des extraterrestres. C'est extrêmement important de comprendre le principe. Pourquoi? Parce que l'homme, chaque fois que l'homme a rencontré des mécaniques extraterrestres, on va inclure les intros dans la mécanique extraterrestre, il a toujours été subjugué spirituellement par les peuples extraterrestres. Et les peuples extraterrestres ne sont à peu près jamais... Quand on parle de peuples extraterrestres, on parle évidemment de représentants. Le peuple extraterrestre, quand il se pointe sur le plan planétaire, ils ne sont pas 3 millions à arriver. Donc, ils ne peuvent pas conquérir la Terre. Par contre, ils vont évidemment rencontrer les humains, ils laissent des traces. Ces traces-là vont toujours faire partie des spiritualisations de l'humain. Et là, le gros problème, c'est que dans les années qui vont venir, il y a des humains qui vont entrer en contact avec des extraterrestres et qui vont encore une fois spiritualiser la mécanique. Les êtres humains, présentement, puis ça, ce qu'il faut faire attention, c'est que même un être humain qui se conscientise, s'il n'est pas centré dans son intelligence, donc absolument non manipulable par les conditions extérieures, est sujet à se voir subjugué par le magnétisme des extraterrestres s'il en rencontre. Un être humain doit... C'est dangereux de rencontrer un extraterrestre présentement pour probablement la quasi-totalité de l'humanité. Il va s'en rencontrer de plus en plus. Les êtres qui rêvent à ça sont uniquement en train de rêver à des choses qui vont arriver prochainement dans l'astral. C'est des rêves opératoires. Il ne faut pas penser que tu as rêvé à ça, que tu vas rencontrer. Il faut penser que tu as rêvé à ça, qu'il y a des humains qui vont en rencontrer. Ça va arriver. Bon, ça peut être toi. Mais puis c'est pas, regarde, c'est ça que j'avais vu, c'est pas des rêves prémonitoires. C'est des rêves préparatoires. Et il y aura, dans les années à venir, des contacts, il y a des choses qui vont se faire, mais c'est évident que l'humain va devoir apprendre à se créer des alliances. L'alliance, le mot alliance va devenir l'un des mots les plus importants dans l'avenir. L'alliance va être divisée en deux parties. Il y a l'alliance qui fait partie de l'amitié dans l'intelligence, et il y a l'alliance qui fait partie du mental dans l'intelligence. L'alliance qui fait partie de l'amitié dans l'intelligence, c'est des alliances qui vont même un jour pouvoir être fusionnelles. C'est-à-dire que les individus seront amis, mais comme l'humain n'a jamais été ami. Mais pas ami dans le sens que tu es obligé, que tu es pris avec l'autre. Ami dans le sens que tu ne limites jamais l'autre. Tu te nourris de sa présence, puis tu ne souffres pas de son absence. C'est beaucoup plus long. Et il va y avoir, évidemment, quand ce sera une expression du mental dans l'intelligence, au niveau de l'alliance, les individus... Bon, on va revenir après la pause, ce serait intéressant qu'on en parle un peu des alliances. Est-ce que les gens posent des questions? Ah, ils peuvent les poser, puis si on a le temps, on va y répondre. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser.